Rentre rire dans ta pauvre schneck. Comme une bagnole dans un tunnel, je m'appuie, je phare que je ferme ma bec. Je rentre comme la thune, comme mon pauvre rap dans une discothèque. Non mais vas-y ta gueule, laisse faire Dark, lui il sera mieux faire. Après on fait comment ça? Ambiance mauvaise, l'atmosphère t'es le cible étrange, j'avance vers toi et te hante. Ton regard reflète le miroir que tu viens d'utiliser pour ton mascara, pour baptiser. Corps contre corps, souffle, respiration essoufflée. Dans mon espoir t'attirer, nous ne savons que dire, on s'en fout. Nos langues se plaisent et jouent à cache-cache. Même la souffrance redevient plaisir, et le liquide la passion se mâche. Tu es maintenant chez moi, par la cheminée je rentre chez toi. T'apporter des cadeaux, même si je n'ai pas la clé. Comme une panthère pour cacher sous les herbes, j'aime te chevaucher. Contre ton être, mon arbre s'est léché. Entre tes seins, me loger, élever les habitations vers un septième ciel. Un nouveau sommet inconscient, tu es celle qui m'a assommé. Et même la vie s'est fait belle aujourd'hui. Et son nom s'est belle comme la peau se pèle. Jusqu'à mon lit qui est désormais le nôtre. Nous sommes seuls, n'oublie pas de fermer la porte. Je suis ta brosse, renifler tes cheveux comme la coque. Tes yeux de deux tortues sans coque. Plus de tortues rongées comme la barque par sa coque. Je n'ai pas la frousse, c'est le bonheur qui est à tes trousses. Je t'embarque ma trousse dans la brousse. Tu es ma pharmacie quand j'ai besoin de drogue. C'est à toi que je rêve en chien depuis l'âge des fogues. Tu n'aurais jamais dû m'embrasser, maintenant tu as succombé. Que je n'ai pas vécu, j'avais tout mobilisé et tout prévu. Cette éternelle nuit que les autres ont fait, offert, ont vu. On fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a connu. Pose, je dépose ma prose, ma poche est sur tes lèvres roses. Mec, t'es d'amour retrouvé, je pose un baiser qui les rougit comme tes joues. Tu es la bougie qui éclaire la nuit de mes jours. Ma rose replantée, pas de quoi se repentir, se prendre, se hanter. J'étais crapaud grâce à toi, ma vie ne crapote plus. Prince, je suis devenu, j'ai retrouvé mes talents de romantique qui s'étaient enfouis, enfuis, sans m'enfouir comme des cocus. Nos sous-vêtements se fouillent, les flics, les archéologues ont la trouille. L'humidité de nos cœurs essuie, la sueur n'est plus que de la suie, la tienne plus que de la pluie. Tu n'es pas ma sœur, tu n'es pas une sœur, tu mouilles et je jouis. Ma douleur, mon bonheur, tu me suis. Ma liqueur, mes paroles, tu heurtes, tu les suis. Dans les rues de la ville, le sang de la jungle en circulation. Je ne ferai pas rimer de ce domi, je suis en spéculation. Pour la première fois à l'aise, je te caresse sur ma confortable à l'aise. Tes yeux reflètent l'odeur d'une perle d'huître à jamais ouverte. Perdue au fond d'une mer rouge bordée de vases vertes. Des caresses fermes, tandis que je fais hurler de plaisir tes nerfs. Le bonheur des trousses. Pour te détrousser, arrête tout ça. Cette éternelle nuit que je n'ai pas vécu, j'avais tout mobilisé et tout prévu. Éternelle nuit que les autres ont fait, offert, ont vu. On fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a connu. Écume douce, des traces souillées, des regards épanouis, des gestes mouillés. Ma Juliette en janvier ou en juillet, jouir. Jus de fruits, de la passion, exotisme, jubilé, joie. J'humidifie ton jardin fleuri jusqu'au petit matin de rosée. Observe mon regard de sincérité, c'est mon cœur qui t'admire quand il vient se poser. Tu es contente et je me consume à te contempler. Tu es la flamme qui m'a ravivé, je glisse sur ton corps de braise à la façon de serpent vert. Une sensation d'hésitation, tu succombes, laisse-moi faire. Ce soir, je ne suis pas féministe comme dans la réalité du machisme comme tu l'aimerais. Juste simple et fier. Dès que tu te prélasses, je mets la culinaire au bord du lit avec glace. La tête contre mon épaule, tu es mon monopole. Je compose une nouvelle ode de dédicace. Ce soir, sois mienne, mon unique reine. Sois frêle pour toi, même ma guitare s'est fait belle. Ça dure des heures, pourquoi pas des jours, tiens. Puisqu'un an de bonheur correspond à une seconde d'amour entre tes mains. Tu es ma soif, pourtant ton absence m'assèche la gorge. Ce n'est pas les larmes, mais le plaisir qui humidifie notre regard. Ma langue est délire, meilleur ami de la femme, je te prouve. Mon alléchante sincérité, tous les deux seuls noyés dans un océan de peinture de vice. La sueur sur mon front comme la rosée dans ton jardin. Et le serpent fatal crache son venin. C'est fini, Rocco a bien fait son travail. J'éteins le porno, retourne à ma compo. Un nouveau riff comme un nouveau rail. Cette éternelle nuit que je n'ai pas vécu, j'avais tout mobilisé et tout prévu. Cette éternelle nuit que les autres ont fait, offert, ont vu. On fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a connu. Cette éternelle nuit que je n'ai pas vécu, j'avais tout mobilisé et tout prévu. Éternelle nuit que les autres ont fait, offert, ont vu. On fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a connu. Laisse-nous faire le mal, je suis le serpent et toi la pomme. Et si tu veux, on peut seulement discuter jusqu'à l'aube.